j'espère de me comporter en bien demain, en bien demain. Personne, personne n'est parfait. Personne, personne n'est parfait dans ce monde civilisé, dans ce monde civilisé. Personne, personne n'est parfait. Personne, personne n'est parfait dans ce monde civilisé, dans ce monde civilisé. Dieu bien explosé, plus rien n'est synchronisé. Une nuit où le naufrage de la poésie a sombré dans la jungle et des astreins, et des astreins. Personne, personne n'est parfait. Personne, personne n'est parfait dans ce monde.